voyez, c'est impossible. J'éprouve une douleur horrible. J'ai le gosier en feu. Essayez encore un peu. Je ne le puis sur mon honneur. C'est vraiment avoir du malheur. N'en parlons plus, passons au cœur. En vérité, c'est impossible. Aucun de nous ne peut chanter. Renoncez-y, l'on ne peut répéter. Ah, quel malheur pour mon amour. Que dira Madame Latour? Que parlez-vous de Madame Latour? De ce logis, c'est la maîtresse. Qu'ai-je entendu? L'objet de ma tendresse demeure dans ce château. Je n'en puis revenir et pour la retrouver, moi qui voulais partir. Réparons notre maladresse et faisons tout pour rester en ces lieux. Et faisons tout pour rester en ces lieux. Arrêtez, je ne sais. Trouve mieux. Se pourrait-il la voix m'est revenue, elle a même repris toute son étendue. Moi qui voulais partir, je vous dirai pourquoi, pour en juger. Écoutez-moi. Thank you. Oh! si mon espérance est trompée, de la pointe de mon épée, je viens me percer en vos yeux. Rassurez-vous, c'est mon intendant, un ancien ami de collège. C'est une lettre pressée qu'on m'a remise pour toi. Madame, vous permettez que devant vous... De Madeleine, quel contretemps! Rose a bien fait de la remettre à Bijou. Mais qu'avez-vous? Vous paraissez troublé. Est-ce que cette lettre... C'est un bulletin de répétition. Oh, vous cherchez à me tromper. Je suis sûre que c'est un billet d'amour. Mais madame... Remettez-le-moi. Vous refusez? Je le prends. Je crois que je vais me trouver mal. C'est la dernière fois que je t'écrivons, car t'as pas pitié d'une femme qui t'adore. Ta légitime Madeleine Birotteau. Vous êtes mariée! Moi, mariée? Quelle horreur! Comment? Vous ne voyez pas, madame, que c'est une mystification? Je ne connais pas plus cette Madeleine Birotteau, Birotteau. Voilà, bienvenue. Et vous ajoutez foi à une si basse calomnie. Allez, madame, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Oh, ça va. Je ne sais si vous dites la vérité. Mais vos larmes me touchent. Quelle preuve voulez-vous de ma sincérité? Parlez. Y consentira-t-il? Mon seul bonheur serait de vous voir accepter ma fortune et ma main. Dis-moi de là si tu veux. Ah, madame. Oui, madame. Aujourd'hui même. À l'instant, les liens les plus fortunés vont nous unir. Nous nous perdons. Eh bien, je vais avertir un chapelain qui demeure près d'ici, et dans la chapelle de ce château... Oh non, non, non, madame! Permettez que je vous présente moi-même celui qui bénira notre union. C'est un vénérable pasteur qui a pris soin de mon enfance. Vous avez maintenant le droit d'ordonner ici. Allez, saint Fabre, prévenir le saint homme. Moi, pendant ce temps, je vais faire avertir quelques bons amis du voisinage. Ils nous serviront de témoins. Au revoir, mon ami. Pour la vie. Pour la vie. Tu me paieras. Oh, les femmes. Curie, curie, sans cœur. Ce que vous allez faire sans la corde. Que complote-t-il là? Imbécile. N'étais-tu pas au foyer de l'opéra lorsque notre camarade Géliot nous a raconté ce bon tour qu'il a joué à une coquette qui le faisait languir? Coutange. Mais il me faudrait quelqu'un d'intelligent. J'ai l'homme qu'il te faut. Bourdon, oui, super. Va vite le chercher. Les femmes. Comme nous allons plus fort, les femmes. Dieu soit loué, j'ai tout entendu et tout compris. Quel infernal complot. Pardon, sa femme. Le marquis? Ce n'est pas moi que vous cherchiez. J'avoue que... Ah, telle inhumaine! Si je n'étais pas aussi magnanime, je vous le laisserais épouser, votre Saint-Phare! Comment? Vous savez? Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu Saint-Phare et Alcindor parler de cette espèce de mariage. Une espèce? Ce sera bien un mariage véritable. Oh, quelle mystification! Expliquez-vous! Je ne comprends pas! Apprenez que ce Saint-Phare se joue de votre crédulité et de votre réputation! Le pasteur qui doit bénir votre union n'est autre qu'un vil coryphée qui joue les fleuves et les fontaines à l'opéra. Oh, je ne puis croire. Je vous jure avoir entendu. Monsieur le marquis, combien je vous remercie. Les imbéciles sont parfois bons à quelque chose. Madame, les personnes que vous avez invitées vous attendent dans le salon. Je vais aller les retrouver. Toi, Rose, ne perds pas une minute. Cours chercher le père Anselme. Conduis-le secrètement dans la chapelle. Bien, madame. Et que la chapelle soit obscure. Bien obscure. Mon cher, que je vous félicite. maître, soyez ici comme chez vous et répétez, répétez avec nous. Je vais vous chérir mon règne nouveau, à vous mon office, à vous mon château, à vous mes chaumières, à vous mon cellier, à vous mes fermières, à vous mon gibier. Je veux qu'on chérisse mon règne nouveau, à vous mon office, à vous mon château. Thank you. où es-tu donc, Saint-Phar? Nous te cherchons partout. Ah, vous voilà, monsieur le marquis. Allons, Bourdon, vite à ta toilette. Et c'est inutile. Madame de la Tour sait tout. Elle sait tout. Au point de se fâcher, elle pardonne à Saint-Phar et il se marie. Sans curé? Rose a amené un véritable prêtre. Ils sont dans la chapelle et Saint-Phar s'engage pour la vie, sans s'en douter. Comment? Saint-Phar ne sait pas que c'est un véritable curé. Courons l'en empêcher. D'où vient cet effroi? Mais Saint-Phar est marié! Madeleine, sa femme, dit encore, il en a reçu une lettre aujourd'hui même. Il serait possible? Monsieur le marquis, courons vite. Il n'est plus temps, le crime est consommé. Ah, je serai vengé. Coquin de Saint-Phar, tu seras pendu. Et moi aussi, qui est ses complices? Que faire, mon Dieu, que faire? Faites pas trop longtemps attendre. Tu m'as bien fait attendre 10 ans, scélérat. Ah, si, non. entouré de soins et d'honneur, entouré de soins et d'honneur. Une dame de haut parage captive mon cœur enivré. Chaque jour je lui dirai, oui, pour lui plaire davantage, chaque jour je redirai. Soyez toujours mes amours près de vous, pas de peine, jamais mon cœur plein d'ardeur ne maudira ses chaînes. Aux accrets pour jamais, je veux être fidèle. À d'autres que d'autres veux, oui, je serai rebelle. Croyez à mes tendres feux, ô ma toute belle. Soyez toujours mes amours. De vous pas de peine, jamais mon cœur plein d'ardeur ne maudira ses chaînes. Soubrette fripante, mignonne, si tendre, si bonne, ne m'agacez plus. Pour charmer mon âme, vos regards de flamme, vos regards de flamme seraient superflus. Vos regards de flamme seraient superflus, oui, seraient superflus, oui, seraient superflus. Chaque jour, je veux redire, soyez toujours mes amours, près de vous, point de peine, jamais mon cœur plein d'ardeur ne maudira ses chaînes. À vos attraits pour jamais je veux rester fidèle. À d'autres que d'autres veux, oui, je serai rebelle. Croyez à mes tendres feux, ô ma toute belle. Merveille. Je n'ai pas vu Biju. Mais l'homme qu'il m'a amené a joué parfaitement son rôle. On dirait qu'il n'a fait que cela toute sa vie. Entrez! Qui diable peut venir me déranger ainsi? Pendu, pendu, pendu, pendu. Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Pendu, pendu, pendu, pendu. Que dis-tu? Que dis-tu? Mais m'expliqueras-tu? Mais m'expliqueras-tu? Répondons! Pendu, pendu! Ah ben ça, je me lasse! D'où te vient cet effroi? Passez le coup de grâce! Et là, c'est fait de moi! Et explique-toi mieux! Et là, c'est fait de moi! À la fin, je me lasse. D'où te vient cet effroi? Passez le coup de grâce. Il a souffert de moi. Explique-toi. Devine-tu. Explique-toi. Devine-tu. Mais répondons. Devine-tu. Parleras-tu. Parleras-tu. Pendu, pendu, pendu, pendu. Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Pendu, pendu, pendu, pendu, pendu. Que dis-tu? Mais m'expliqueras-tu. Mais m'expliqueras-tu. Que dis-tu? Pendu, pendu. Ce diable de marquis, ce diable de marquis, tout est dans ce logis. Vous avez mis sous pied, vous avez mis sous pied. Tu me vois accablé, tu me vois accablé. Mais dis-moi donc, sauve-nous vite. Explique-toi. Tu es dans la fuite. Mais pourquoi elle est effrayée? Puis, la justice nous réclame. Avec l'être d'avalier. Je suis venu trop tard, et tu n'es qu'un bigame. Un bigame. Laisse-moi, je ne saurais m'enfuir, je me sens défaillir. Reviens à toi, reviens à toi, je me sens défaillir. Allons ma foi, chacun pour soi, allons ma foi, chacun pour soi. Viens, non, pendu, viens, non, pendu, pendu, pendu, pendu, pendu, pendu, pendu, pendu, pendu, pendu. Ils sont partis. Je n'ai pas la force de les suivre. J'entends marcher. Monsieur le marié, ma maîtresse m'a dit de vous dire... Madeleine ! Chaloux ! Mais on n'y voit plus rien. C'est donc toi qui le marié. Pas content de planter là ta première femme. Ton épouse une autre. Voyons, Madeleine, ne crie pas. Je vais t'expliquer. Quel est ce bruit ? On se dispute ici ? L'autre à présent. Je voudrais être à 100 pieds sous terre. Pas de lumière. Est-ce vous, sa femme? Je crois que oui, madame. Mais n'êtes-vous pas avec quelqu'un? Non, je ne crois pas. Je suis sa femme, moi aussi. L'ancienne, la vraie. Ciel, est-il possible? Allons, voilà que ça va commencer. Et qu'il pourra tout les dangers. Cette lettre, toutes les recherches seront inutiles. Madame de la Tour n'existera plus. Mourir pour moi si elle t'en est la même. Pourquoi n'as-tu pas fait ton aile? À la vengée, mais tout notre zèle. Entraînez ce mauvais sujet. Écoutez-moi, je parle. brigade. Comme tel, il sera pendu. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。